ce lundi à Assemblage Requis. Ben, puisque c'est le temps des pommes, Mathieu et moi, on vous raconte notre journée passée au verger. Et parlant de verge, on reçoit Maxime Lemire-Ramé et son blog Télécharge quoi. Pauvre Maxime, c'est aujourd'hui la victime de nos plus mauvaises pubs. Soyez-y lundi, 15h.